Toi la rosière du HLM qu'il n'a jamais oublié. Il méritait bien que tu l'aimes, mais... Attends, je vais te raconter. Avec la grâce singulière des filles qui n'ont plus 20 ans, tu étais seule avec ta mère, sans un amour, sans un amant. Il vivait au second étage, et toi, troisième palier. Et vous aviez dépassé l'âge des rendez-vous dans l'escalier. Des rendez-vous dans l'escalier. C'est fou ce que l'amour est bête quand on n'a plus l'âge des fleurs. C'est fou ce que l'amour est bête quand on est seul avec son cœur. Dans le silence de sa chambre, imaginant tes pauvres nuits, il essayait de te comprendre au gémissement de ton lit. Tu avais bien la quarantaine, il allait sur ses 50 ans. Il aurait voulu dire je t'aime, il n'osait pas, évidemment. Il n'osa pas, malheureusement. C'est fou ce que l'amour est bête quand on n'a plus l'âge des fleurs. C'est fou ce que l'amour est bête quand on est seul avec son cœur. Toi la rosière du HLM, demoiselle un peu démodée, il méritait bien que tu l'aimes, mais il avait trop rêvé, trop rêvé. C'est fou ce que l'amour est bête quand on n'a plus l'âge des fleurs. C'est fou ce que l'amour est bête quand on est seul avec son cœur.